d'une certitude, j'en suis sûre. Mourir un jour, ça, c'est une certitude. Une quasi-certitude. Aussi sûr que je croyais qu'elle était à moi. Aussi sûr que je croyais qu'on resterait amis. Mes certitudes se laminent. Aussi sûr que le soleil se lèvera demain. Aussi sûr que je me livre à toi par fragments. Aussi sûr qu'on mourra un jour. Que la vie c'est pas un jeu. Aussi sûr que le monde est pas injuste. Aussi sûr que t'esquisseras pas un geste. Le jour où je tomberai. Aussi sûr que chaque chose a son prix. Aussi sûr que certains ne m'aiment pas un zeste de tes restes. Aussi sûr que je rappe pas sur ce qui t'intéresse. Aussi sûr qu'il faut que j'atterrisse, car je plane. Aussi sûr que je ferai pas le disque d'or. Et le disque d'or, c'est déjà c'est mort. Et c'est aussi sûr que la terre est plate. Aussi sûr qu'on ira tous au paradis. Que le coche, faut pas le rater. Aussi sûr que la cloche sonne à l'heure. C'est aussi sûr que ça en a l'air. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Et aussi sûr que mes certitudes fissurent. Imprègne mes textes, aussi sûr que la mer tu m'empoignes. Ma tête ça tombe pas rond là-haut. Aussi sûr que j'ai pas là où je vais. Aussi sûr que c'est pas la houle qui m'en ridera. Aussi sûr que mes pensées se lisent sur mes traits. Aussi sûr que je suis pas là pour détrôner qui que ce soit. Aussi sûr qu'il fera nuit ce soir. Rappeler, c'est donner un peu de soi, peu de choix. Et si l'ennui nuit à notre essor, on fera l'effort ensemble. Aussi sûr qu'on est tous innocents. Aussi sûr qu'il me le semble. Aussi sûr qu'on est tous bons, le sourire aux lèvres. Aussi sûr qu'on est tous cons quand on espère être auréolé. Aussi sûr que les rêves se réalisent. Aussi sûr qu'un jour je serai à l'aise, genre les poches pleines. Aussi sûr que j'aurai des gosses même. Aussi sûr que le soleil se lève à l'est. Aussi sûr que je rivalise. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Et aussi sûr que mes certitudes fissurent. Pas se mentir, t'as peut-être perdu un pote pour des ins. Si les euros étaient des frisbees, on serait tous des yinches. J'suis pas ravi, apparemment, c'est pour ça que j'mors. Si on était sûr du paradis, on ferait une grosse soirée pour chaque mort. Zap ce passage, y'a pas de principe sur la fidélité. C'est qu'une passade, t'oublieras vite la file de l'été. Sans vanité, mate-toi dans la glace comme un con et encense-toi. Car pour percer, faut du taf, mais surtout de la confiance en soi. À la recherche de certitude, chut, silence affuse, connard. Si j'te demande ton avis, c'est que j'n'ai pas la science infuse. Peut-être que j'abuse, c'est clair, mais y'a que la vérité qui blesse. On va pas te dire que t'es beau et musclé si t'es moche et obèse. La vie est brutale, ça c'est pas une fiction. Pour que t'en ailles, suffit de quelques secondes, voire une fraction. J'te garantis pas tout ce que j'ai dit sur cette zig. Je t'en perds, car rien n'est sûr, pas même que tu sois le fils de ton père. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Et aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr. Aussi sûr. Aussi sûr. Et aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Aussi sûr que mes certitudes fissurent. Et aussi sûr que mes certitudes fissurent.